Ok, on commence, Inch'Allah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حسن. Tu vois, juste là, dans la bibliothèque, il y a la chaufferette, là. La petite chaufferette. Si t'as froid, mais amène-la comme ça. C'est correct? Ah, ok, d'accord. Tayyib khair, inshallah. Donc, aujourd'hui, on commence le cours numéro 42 dans l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et on lit avec les explications de différents ulama. Et parmi eux, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Saleh al-Sheikh et d'autres également parmi les ulama. On est arrivé donc à une partie où on explique, on lit des paroles des salafs. Cheikh al-Islam, il nous cite certaines paroles parmi les paroles des salafs où il réfute, où il y a la réfutation des Jahmiyyah, ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous pouvez constater par rapport au fait que certains d'entre les Jahmiyyah réfutent les noms et les attributs d'Allah, comme on sait que les Jahmiyyah et les Mu'taziyah, ils nient toutes les attributs sans exception, d'accord, et que les Asha'ira, on sait qu'ils en nient sept, qu'ils en affirment sept et qu'ils nient les autres. Donc les salafs, ils ont attaqué certains points particuliers ou certaines questions en particulier pour montrer la fausseté de leur méthodologie en général. Et parmi les questions qu'ils ont attaquées le plus, c'était la question de la parole, hein, l'attribut d'Allah qui est l'attribut de la parole, et al-istiwa, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Au dernier cours, il y a un frère qui avait posé une très bonne question à la fin, et qui posait la question que, puisque yani Sulayman ibn Harb, il avait mentionné que Hamad ibn Zayd avait dit que les Jahmiyyah sont ceux qui essaient de dire qu'il n'y a rien dans les cieux. Il n'y a rien dans les cieux. C'est-à-dire Allah n'est pas dans les cieux. Il nie en fait l'existence d'Allah et également la parole de Saïd ibn Amir al-Dab'i, qui était un des imams de la ville de Basra dans la religion et dans la science, et un des shuyukh de l'imam Ahmed, qui disait à propos de la parole des Jahmiyyah que leur parole était pire que celle des chrétiens, hein, était pire que celle des chrétiens, parce que yani, tous les juifs et les chrétiens et les gens des différentes religions avec les musulmans confirment et croient que Allah est au-dessus de son trône, excepté eux. Eux, ils disent, il n'y a rien dans les cieux, il n'y a rien sur le trône. Et donc, ça, ils ont ça en commun. Les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiyah, les Ahbash, tout ça, ils ont, tous ces sectes-là, ils ont en commun qu'ils nient que Allah est au-dessus de sa création. Donc, il les a réfutés clairement ici. Après, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, et c'est là qu'on est arrivé, il dit « وَقَالَ مُحَمَّدِ ibn إِسْحَاق ibn خُزَيْمَةِ إِمَامُ الْأَئِمَّةِ » من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. Donc ici l'imam Ibn Taymiyyah il cite la parole de l'imam Ibn Khuzaymah. Qui est l'imam Ibn Khuzaymah? On va faire une courte biographie de ça. On a déjà lu à propos de l'imam Ibn Khuzaymah, mais on va relire quand même puisque c'est un des grands imams d'Ahl Sunnah. Oui, c'est un des imams parmi les imams des salafs. Ibn Khuzaymah, c'est l'imam Al-Hafiz Al-Hujja Muhammad Ibn Ishaq Abu Bakr السلمي النيسابوري الشافعي وكان من أئمة أهل السنة وكتابه التوحيد شاهد على ذلك وقال عنه ابن جريج كان يستخرج النكت من حديث رسول الله بالمناقش انتهى كلامه. Donc il dit que l'imam Ibn Khuzaymah, il cite son nom au complet. Il dit qu'il était un imam. Il était parmi les imams d'Ahl Sunnah. Et son livre, At-Tawhid, est un témoin de ça. Et Ibn Jurayj a dit à son sujet, il sortait les points bénéfiques des hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avec des ciseaux. C'est comme s'il était tellement précis dans son explication des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dans la façon dont il extrayait les points bénéfiques de ces hadiths-là, que c'est comme s'il le faisait avec des ciseaux, tellement il était méticuleux et précis. Et il dit « Wulida sanata thalathin wa ishrina wa mi'atayn » Il est né en l'an 223. « Wa tufiya thani zil qi'da sanata ihda asharata wa thalathmiya » Il est mort en l'an 311. Du deuxième jour de Zilqa'da, et il avait à l'âge de sa mort 89 ans. Et il a un livre qui s'appelle Kitab al-Tawhid wa Ithbat al-Sifat wa Ithbat al-Sifat Rabb al-Alamin ou Rabb Sifat al-Rabb. Oui, il a un livre qui s'appelle Kitab al-Tawhid wa Ithbat al-Sifat al-Rabb. Donc dans ce livre-là, il affirme les noms et les attributs d'Allah et il l'a appelé Kitab al-Tawhid. Et les gens de Bid'a ont détesté ce livre. Ils ont détesté ce livre parce que dedans il y a l'affirmation des noms et des attributs d'Allah. Et ils nous ont dit son livre c'est un livre de shirk. Pourquoi? Parce que pour eux, le Tawhid c'est du shirk. Yani affirmer les noms et les attributs d'Allah, pour eux c'est du shirk. Allah musta'an. وصفات الرب عز وجل وإثبات صفات الرب وإثبات صفات الرب pardon j'avais oublié ce petit détail. Et là, donc qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn Khuzaymah? طيب. Donc il dit que Muhammad Ibn Khuzaymah, qui était l'imam des imams, souvent on l'appelle Cheikh al-Islam parce que c'était un grand savant, il disait, celui qui ne dit pas que Allah est sur son trône, celui qui ne dit pas que Allah est au-dessus des cieux, sur son trône, séparé de sa création, il est obligatoire de l'appeler à se repentir. Et s'il se repent, sinon, s'il se repent, c'est-à-dire on le laisse, sinon il sera frappé, on lui frappe le coup, c'est-à-dire il doit être exécuté. Comme quelqu'un qui a rejeté la foi. Quelqu'un qui a rejeté la foi, et il sera jeté, c'est-à-dire sa dépouille sera jetée dans les poubelles, pour pas que les musulmans soient gênés par la mauvaise odeur de son cadavre, de même que les non-musulmans qui vivent parmi les musulmans. Donc ça c'est rapporté par Al-Hakim avec une chaîne de transmission authentique, et ça c'est ce que l'imam Ibn Khuzayma nous dit au sujet de ceux qui nient les attributs d'Allah. وهذا يدل على أن الإمام ابن خزيمة يرى أن من أنكر علو الله فهو مرتد فيكون أشد كفرا من اليهود والنصارى لأن اليهود والنصارى يبقون إذا دفعوا الجزية وأما هذا فلا يبقى فليس له إلا الإسلام أو السيف يضرب به عنقه ولهذا قال الإمام ابن خزيمة يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. Donc c'est ça. Il dit que c'est un apostat parce qu'il a renié la foi en Allah. Et il est pire que les juifs et les chrétiens, puisque c'est quelqu'un qui, de qui on ne peut pas accepter la jizya. Même s'il donnait la jizya, on ne peut pas l'accepter de lui. Tandis que les juifs et les chrétiens, on peut accepter d'eux la jizya. Parce qu'il a nié les attributs d'Allah. Donc c'est ça qu'il dit en gros, comme explication. Et ensuite... Est-ce qu'il y a une explication de Cheikh Ibn Baz ici, non? Ok, donc la prochaine citation c'est, il dit, وَقَالَ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَحْمَدُ عَنْ عَبَّادِ ابْنُ الْعَوَامِ الْوَاسِطِ إِمَامُ أَهْلِ وَاسِطِ مِنْ طَبَقَةِ شُيُوخِ الشَّافِعِي وَأَحْمَدُ قَالْ كَلَّمْتُ بِشْرًا الْمُرِّيسِ وَأَصْحَابَ بِشْرٍ فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. Donc ça c'est rapporté selon Abdullah ibn Ahmad, le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il rapporte que Abbad ibn al-Awam c'était l'imam de Al-Wasit, de la ville de Wasit, ok, Medina Wasit. Et il fait partie de la génération de l'imam al-Shafi'i, parmi la génération des shuyukh comme l'imam al-Shafi'i et Ahmad. Donc Abbad ibn al-Awam, c'est qui? Huwa Abbad ibn al-Awam ibn Umar ibn Abdullah ibn al-Munzir Abu Sahl al-Tullabi al-Wasiti. قال عنه ابن سعد كان من نبلاء الرجال في كل أمره. Ibn Sa'd a dit à son sujet, il était parmi les nobles, parmi les hommes, dans toutes ses affaires. Il est mort en l'an 185. Et la ville de Wasit, c'est une ville entre Basra et Koufa. Et c'est Al-Hajjaj ibn Yusuf qui l'a construit, cette ville. La ville de Wasit, elle a été construite par Al-Hajjaj ibn Yusuf en l'an 203, en l'an 203. Et on l'appelle ce nom-là parce qu'elle est entre, on l'appelle Wasit parce qu'elle est Mutawassita, Bain al-Basra ou al-Kufa, parce qu'elle est entre les deux. وبينها وبين كل منها 50 فرسخان. فرسخان, oui. والفرسخ نحو ثلاثة أميال. Donc c'est une ville qui est actuellement en Irak et il y a 50 farsakh entre les deux villes et il dit qu'une farsakh ça équivaut à la distance de 3 000. Donc c'est pour dire que la ville de Wasit, et vous connaissez le livre de l'imam Ibn Taymiyyah qui s'appelle Al-Aqidat al-Wasitiyya, bon, et bien c'est l'Aqidat de Al-Wasitiyya par rapport à de cette ville, ouais, de la ville de Wasit, parce que les gens qui ont posé la question pour que Ibn Taymiyyah réponde par ce livre-là, c'est les gens de la ville de Wasit. Ils avaient posé la question à Ibn Taymiyyah au sujet de la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a et des Salaf au sujet des noms et des attributs d'Allah. Et lui, Ibn Taymiyyah, leur a répondu par ce livre. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aujourd'hui Al-Aqidatul Wasitiyya, à cause de ça. Non. Oui. C'est-à-dire pour dire que c'est les gens de Wasit qui avaient posé la question et non pas dans le sens de Al-Wasat, Al-Wasatiyya, non. C'est Al-Wasatiyya, pas Al-Wasatiyya. Non, c'est en Irak actuellement. Et entre Basra et Koufa. Et donc c'est ça. Donc c'est Al-Awam, Abbad ibn Al-Awam, Al-Wasati, qui était l'imam de cette ville. Et il fait partie de la génération ou de la catégorie des ulama comme l'imam Ahmad et l'imam Al-Shafi'i. Il a dit, qu'est-ce qu'il dit cet imam? Il dit, j'ai parlé avec Bishr al-Murrisi. Et Bishr al-Murrisi, c'est un des égarés parmi les égarés qui appelait à la voix des Jahmiyyah à l'époque de l'imam Ahmad et qui était dans la fitna, qui a été parmi ceux qui ont fait la fitna à l'imam Ahmad. Et donc, lui, Bishr al-Murrisi, donc Abbad ibn al-Awam, il a discuté avec lui. Et il a dit, j'ai discuté avec lui et j'ai discuté avec Bishr. Et en même temps, c'est comme si Ibn Taymiyyah, il disait, c'est pas n'importe qui s'est permis d'aller discuter avec quelqu'un comme cet égaré-là. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de ilm et que c'était un grand savant. Comme Abbad ibn al-Awam, qui est de la même catégorie que les shuyukh de... c'est pas l'imam al-Shafi'i et Ahmed, c'est les shuyukh de l'imam al-Shafi'i et de l'imam Ahmed. Donc je me suis trompé tantôt. Parce qu'il dit « min tabaqati shuyukh al-Shafi'i wa Ahmed ». Donc c'est les shuyukh de ces deux grands imams-là. Et donc, c'était pas n'importe qui. Et donc ça c'est la preuve que c'est pas n'importe qui a le droit d'aller débattre ou argumenter avec des gens de bid'ah. Hein? Et que les salafs, ils avaient très peur de rentrer dans des arguments ou des débats avec les gens de l'égarement, justement pour éviter de tomber eux-mêmes dans leur choubouhat. Mais parfois, quand c'était nécessaire, ils le faisaient. Hein? Et là, ça c'est un exemple. Il dit, j'ai parlé avec Bishr al-Murrisi et les compagnons de Bishr. Et j'ai vu qu'à la fin de leurs paroles, le résultat final de ce qu'ils disaient, c'est que dans le ciel, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu dans le ciel pour eux. Hein? Et l'autre fois, Yannick, quand le frère il a posé la question, justement, à ce sujet-là, quand on disait que les Jahmiyyah, ils croient que Allah est partout, eh bien, on a dit ça, c'est une parole d'égarement, parce que c'est la aqidah des Jahmiyyah qui disent que Allah est partout et dans tout. Et il y a ceux qui disent aussi qu'il est nulle part, ou il n'est pas au-dessus de son trône, et ainsi de suite. Et on a répondu parce qu'il a dit, comment on fait pour répondre à ceux qui vont mentionner le verset « Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum » et « Il est avec vous où que vous soyez » ou bien un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid » wa huwa aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun » et plein d'autres versets. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم أينما وهو إلا هو معهم أينما كانوا. Donc tout ça, Ibn Taymiyyah il en avait parlé déjà au début et il a répondu à ça et il a expliqué que tous ces versets là parlent en fait de la science d'Allah et que Allah subhanahu wa ta'ala est plus présent, plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Ça ne veut pas dire que Allah est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre corps, ou à l'intérieur des choses et des créatures, mais ça veut dire qu'il est présent par sa science, par son ouïe, hein, et par sa vue, du fait qu'il nous voit et il nous entend. Okay? Mais pas qu'il est physiquement en nous, ou en les créatures, ou en les choses. Et c'est pour ça que souvent les ulama, quand ils argumentaient ou ils débattaient avec ces égarés-là, ils leur disaient, est-ce que tu vas dire que Allah est dans les cochons, ou dans les toilettes, ou dans les endroits sales? Hein? Tu peux pas dire ça. A'ouzou billah. Donc, c'est la réponse de ce que ces gens-là prétendent. Tu vois? Nasallallahu ala afiyah. Donc ça c'est le résultat. C'est parce que, comme tu vois ce que l'imam dit ici, Al-Awam et les autres imams qu'on a cités auparavant, ils disent à la fin de leur parole, la conclusion de ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas de Dieu dans le ciel. Hein? Dieu n'existe pas en fait pour eux. Mais ce n'est pas quelque chose qu'ils vont dire directement. Ils ne vont pas te dire ça au début quand tu vas parler avec eux. Parce que c'est clair que s'ils viennent aux musulmans puis qu'ils commencent à dire aux musulmans il n'y a pas de Dieu dans le ciel, puis Allah n'est pas sur son trône, et puis Allah n'existe pas, personne ne va les écouter. Mais ils vont commencer à utiliser des versets, des hadiths, essayer de leur montrer que oui, on croit. Puis après, ils vont commencer à leur dire, oui, mais ça veut pas, ces versets-là, ils ne veulent pas dire ça, ils veulent dire autre chose, il ne faut pas croire qu'est-ce qui est écrit. Allah, il parle en symboliquement, il parle allégoriquement, et ça ne veut pas dire ça, ça veut dire autre chose. Hein? Donc, tout ça, c'est pour dire que leur kufr, ils le cachent. Et ils utilisent des ruses pour essayer d'attirer les gens à tomber dans ça. Alors l'imam ici, c'est comme s'il dit, j'ai parlé avec ces gens-là, et j'ai parlé avec leur tête. Bishr al-Murri, c'est une de leurs têtes, et c'est ça que j'ai constaté, c'est qu'à la fin, ils disent, il n'y a rien, il n'y a pas de Dieu, hein? Il n'y a pas rien sur le trône. Hein? Donc ça, c'est pour dire qu'en réalité, ils ne croient pas en Allah. Mais ils ne le disent pas du premier coup. Ça, il faut le découvrir par la suite. Tu réalises que c'est des gens qui appellent clairement au kufr. Naam. Ben oui, c'est pour ça qu'on disait l'autre fois que les jeunes bid'a, ils ont tous des caractéristiques des munafiqin. Ça, c'est un autre exemple de ça. Il dit an Abdurrahman ibn Mahdi, al-imam al-mashhur, annahu qal, al-imam al-mashhur, annahu qal, ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا. Donc l'imam Abdurrahman ibn Mahdi, c'est un grand imam très célèbre parmi les imams des salaf, hein? Et on va voir qui il est. عبد الرحمن بن مهدي ابن حسن ابن عبد الرحمن أبو سعيد العنبري البصري طلب العلم صغيرا وأثنى عليه العلماء ثناء عاطرا. C'est-à-dire que ce grand imam عبد الرحمن بن مهدي qui vient de la ville de Basra, il a cherché la science quand il était tout jeune. Il était très petit quand il a commencé à chercher la science, et les savants ont fait de lui des éloges. Hein? Et ils ont fait de lui des éloges. Sana'an a'tiran. A'tiran, c'est-à-dire, c'est comme si des éloges, yani, comme si parfumés, yani, à son sujet. Ils ont parlé de lui et ils ont dit du grand bien à son sujet. Qala anhu Shafi'i, la a'rifu lahu nazirun fi hadha al-sha'n. Intaha kalamu. L'imam Shafi'i a dit à son sujet, je ne connais pas d'égal à lui dans ce domaine. Dans le hadith, dans la science. Il dit, وَقَالَ فِيهِ عَلِي إِبْنُ الْمَدِينِ, un des grands savants de hadith, Ali ibn al-Madini, très célèbre. لَوْ حَلَفْتُ بَيْنَ الرُّكْمِ وَالْقَامِ لَا حَلَفْتُ أَنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ ibn Mahdi. Et وَالْمَقَامِ. C'est ça. Ici, il manque un mime. لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الله ابن مهدي. Il a dit, Ali ibn al-Madin, il a dit, si je devais jurer entre le coin de la Kaaba et Maqam Ibrahim, j'aurais juré que je n'ai jamais vu quelqu'un de plus savant que Abdullah ibn Mahdi. Il veut dire Abdurrahman ibn Mahdi. Il parle d'Abdurrahman. Et il dit ensuite, قال الذهبي عنه كان إماما حجة قدوة في العلم والعمل. انتهى كلامه. L'imam al-Dhahabi a dit à son sujet que c'était un imam, une preuve, une hujja. Et il était un modèle à suivre dans la science et dans la pratique. Il est né en l'an 135 et il est mort en l'an 198. Il est né en l'an 135, il est mort en l'an 198. Donc c'est un grand imam parmi les imams des salafs. Il était parmi les savants des trois premières générations. Oui. Beaucoup, beaucoup. Non, mais aujourd'hui, on est dans une époque loin. On est loin de la période des salafs. À l'époque, il y avait des imams comme ça, il y en avait des dizaines. dans des différentes villes, même des fois des centaines. C'est pas comme aujourd'hui, tu vois. L'islam était fort à cette époque-là. Les gens pouvaient chercher la science, ils trouvaient des ulama, tu vois, et les gens de la sunna étaient là. Hein? C'est malgré qu'il commençait à avoir beaucoup de fitanes à leur époque, mais au moins il y avait des savants qui étaient capables de contrer ce genre de fitna et de les réfuter et de mettre en garde les musulmans contre la fitna. Tandis qu'à notre époque, les ulama de la sunna sont très très peu nombreux parmi un océan de gens d'égarement puis de bid'a et tout, sans compter les moyens de communication qui font que une seule personne peut atteindre des millions de personnes. Donc ça rend parfois ça fait que la fausseté a beaucoup plus de facilité à se propager qu'auparavant. Allah musta'an. Donc qu'est-ce qu'il dit l'imam Abdurrahman ibn Mahdi? Il dit il n'y a pas pire parmi les gens de la passion que les compagnons de Jahm. Ils tournent autour de la parole de dire qu'il n'y a rien dans les cieux. Et il dit, je vois, mon point de vue à leur sujet, c'est que, il dit, par Allah, je jure qu'on ne doit pas les marier. Et on ne doit pas non plus leur faire donner d'héritage des musulmans. C'est-à-dire qu'ils ne les considèrent pas des musulmans, ces gens-là, qui nient que Allah est au-dessus de son trône. Parce que quand il nie ça, c'est comme s'il niait l'existence même d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est nos salafs qui ont dit ça. Tu vois? Donc, il y en a des gens aujourd'hui qui te disent, ils sont soufis, ils sont shi'as, ils sont d'autres voies, puis ils disent, oui, nous, on suit les salafs aussi. Hein? Il y en a qui suivent les asha'ira. Ils disent, ouais, on suit les salafs, nous aussi. Vous êtes des pseudo-salafis. Ils disent des salafis. Vous êtes des pseudo-salafis. Vous n'êtes pas des vrais salafis. Parce qu'ils prennent une partie, puis ils laissent le reste. Et en même temps, il faut comprendre une chose. C'est que notre manhaj, notre aqida, elle n'est pas basée seulement sur ces citations-là. Toutes ces citations-là sont supportées par les preuves claires et explicites du Coran et de la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ces paroles-là, c'est juste pour venir confirmer qu'est-ce qui était écrit clairement dans le Coran et dans la sunna. Tu comprends? Donc, ça veut dire que pour nous, la base, c'est ça. Tu vois? Si quelqu'un, des fois, les gens de Bid'a, qu'est-ce qu'ils font? Ils te ramènent des paroles ou des citations de quelqu'un comme ça, et c'est des paroles qui ne sont pas rapportés authentiquement et qui ne rapportent pas avec des chaînes de transmission authentiques. Et les Ahbash sont très forts là-dedans. Ils te ramènent une parole et disent Abdullah ibn Abbas a dit telle chose. Et tu vois que la parole qu'il ramène, elle n'est même pas authentique. Et la chaîne de transmission qui est derrière, elle n'est même pas authentique. Et eux, ils te disent voici ce qu'il a dit, il a dit ça. Hein? Et ce n'est même pas vrai. Il n'a même pas dit ça pour de vrai, ce n'est même pas authentique. Donc, nous, on lui répond. Premièrement, ce que tu rapportes d'Abdullah ibn Abbas à ce sujet-là, premièrement, c'est pas sahih. Premièrement. La chaîne de transmission, les ulama, ils ont dit ça, c'est daif. Même des fois, c'est fabriqué. Et deuxièmement, même si c'était sahih, c'est en contradiction avec le Coran, et en contradiction avec la sunna, et en contradiction avec des dizaines et des centaines de paroles des sahaba et des tabi'in et des tabi'in. Est-ce qu'on va laisser tout ça pour une parole que toi tu nous ramènes qui n'est même pas authentique? Hein? Ça ne fait pas de sens. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le cheikh, donc, il les considère qu'ils ne sont pas musulmans parce qu'il dit on ne faut pas les marier, il ne faut pas leur donner de l'héritage. Ça, c'est l'attitude des salafs envers les gens de bid'ah. Hein? Est-ce que aujourd'hui les gens qui appellent à la voix de, comme par exemple, pour dire non, il ne faut pas distinguer entre les gens de bid'ah, les gens de la sunna, on est tous musulmans, c'est ça qui est important, il ne faut pas faire de différence, il ne faut pas diviser les musulmans. Et yani, regarde comment nos salafs eux agissaient et comment ils parlaient et qu'est-ce qu'ils disaient. Est-ce que nous on est mieux que eux? On a mieux compris l'islam que eux pour dire qu'il ne faut pas les critiquer ou il ne faut pas les condamner ou il ne faut pas les réfuter, il ne faut pas dire ça à leur sujet. Donc, soit que tu crois que les salafs étaient injustes et qu'ils faisaient de l'injustice envers les gens de bid'ah et que nous, on est plus juste qu'eux et plus intelligents qu'eux et plus sages qu'eux. Hein, ou bien, tu ouvres une porte d'égarement et tu prétends être sur la vérité. Donc, un des deux. Et les deux sont graves. Hein? Allah musta'an. Ensuite, il y a une autre citation qui est mentionnée. Il dit « Warawa Abdurrahman ibn Abi Hatim fi kitab al-Rad ala al-Jahmiya an Abdurrahman ibn Mahdi qal أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وإن الله ليس على العرش أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. Donc il a dit, عبد الرحمن ابن أبي حاتم, le fils de ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم c'est un des grands imams des salaf, الرازي. Ibn Abi Hatim al-Razi. Donc Abu Hatim c'était son père et lui c'est Abdurrahman ibn Abi Hatim. Donc c'est le fils d'un des grands imams parmi les imams des salafs. Et il dit dans son livre Ar-Radd 'ala al-Jahmiyya, la réfutation des Jahmiyya, que Abdurrahman ibn Mahdi a dit les compagnons de Jahm, ils veulent dire que Allah n'a pas parlé à Moussa. Et ils veulent dire qu'il n'y a rien dans les cieux et que Allah n'est pas sur le trône. Et il dit, je considère mon point de vue à leur sujet, mon opinion à leur sujet, c'est qu'ils doivent être demandés de se repentir ou appelés à se repentir. Et s'ils se repentent, on les laisse, sinon ils doivent être exécutés. Ça c'est la position de l'imam Abdurrahman ibn Mahdi et beaucoup d'autres également. Et par rapport justement à la parole d'Allah, le fait qu'Allah a parlé et qu'il parle comme il veut et quand il veut, il y a plein de paroles des salafs qui sont rapportées au sujet de ça et qui mentionnent le kufr de ceux qui nient que Allah parle, hein, ou qu'il a l'attribut de la parole. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Des citations à ce sujet-là, nombreuses. Même le fils de l'imam Ahmad, dans son livre Sunnah, il en mentionne environ 500. Tu cherches quelque chose, Afi? Non. Plus que 500 imams parmi les imams d'Ahl Sunnah ont rapporté le kufr de celui qui dit que la parole d'Allah est créée. Celui qui dit que la parole d'Allah est créée, plus que 500 imams parmi les imams d'Ahl Sunnah ont mentionné que celui-là, il est kafir, celui qui dit ça. Donc c'est pas quelque chose qui est pris à la légère parmi les imams des salafs. Tu vois, ils considèrent ça grave. Il dit ensuite wa 'an al-asma'i qala qadimat imra'atu jahm fa nazalat aina. OK. Bon, on va lire cette dernière parole. Cette parole. Il dit wa 'an al-asma'i qala qadimat imra'atu jahm fa nazalat الدبارين فقال رجل عندها الله على عرشه فقالت محدود على محدود وقال الأصمعي كافرة بهذه المقالة. Donc الأصمعي qui est un des ulama, un des grands ulama de la langue arabe. C'est qui الأصمعي? C'est Abdul Malik ibn Qarib ibn Abdul Malik ibn Ali ابن أسمع وعليكم السلام ورحمة الله الأصمعي البصري. Donc il vient de Basra. C'était une preuve dans l'adab ou l'ura. L'adab c'est tout ce qui a rapport avec la littérature et l'écriture, la poésie, des choses comme ça. Et l'ura, hein, la langue, oui, la langue aussi. Donc c'était une preuve dans ces domaines-là. C'était un linguiste, un grand savant de la langue. Et il dit l'imam Shafi'i à son sujet, قال الشافعي ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي انتهى كلامه وقد أثنى عليه الإمام أحمد في السنة. Donc il dit que l'imam Shafi'i a dit à son sujet, personne a mieux exprimé la parole des Arabes d'une expression meilleure que celle de l'imam al-Asma'i. Et l'imam Ahmad a fait ses éloges dans son livre As-Sunnah. Et il dit: وقال عنه الذهبي الإمام العلامة الحافظ حجة الأدب ولسان العبر. نعم. Donc il dit, c'est un grand savant, hein, un imam, un hafiz, et une preuve dans ce qui a rapport avec la littérature et la langue arabe. Non, il est mort en l'an 216. Il est mort en l'an 216. Non. Donc, il dit à l'Asma'i que la femme de Jahm ibn Safwan, Jahm ibn Safwan, qui était le fondateur de un des fondateurs de la secte des Jahmiyyah, l'élève de Ja'ad ibn Dirham, celui qui a appelé les gens à nier les attributs d'Allah et à nier ses noms, eh bien, sa femme est descendue chez les gens qui tannent les peaux. Et elle a dit, il y a un homme qui a dit près d'elle, Allah est sur son trône. Alors, elle a répondu, mahdoudun ala mahdoud, c'est-à-dire une chose limitée sur quelque chose de limité. Et donc elle essaie en disant ça de nier que Allah est au-dessus de son trône. Alors Al-Asma'i a dit, elle a mécru par cette parole, elle a mécru, elle est devenue mécréante par cette parole, en ayant dit cette parole là Donc, on va lire les paroles de Cheikh Ibn Baz. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de certaines citations qu'on a lues maintenant? Donc, à propos de la parole de Abdurrahman Ibn Mahdi, au sujet que ils ne doivent pas, les compagnons de Jahm ne doivent pas être mariés, ne doivent pas hériter, parce qu'ils disent qu'il n'y a rien dans les cieux. Cheikh Ibn Baz, il dit à ce sujet-là, Rahmatullahi alayhim. En parlant de tous ceux qu'on a cités auparavant aussi, que la miséricorde d'Allah soit sur eux tous. Mujmi'un ala hadha. Kulluhum mujmi'un ala hadha. Ils sont tous d'accord sur ça. Tu vois, toutes les citations qu'on a mentionnées, ça vient toutes, chacune d'entre elles vient confirmer ce que l'autre a dit. Kullu a'immat al-islam. Kullu a'immat al-islam min as-sahabati wa ba'd. Kulluhum mujmi'un. على ضلالة الجهمية وعلى ضلال الجهمية وأشباههم ممن يتكلم في الصفات وينفيها ويعطلها ولهذا أجمع أهل السنة على ضلالهم وأنهم قد قالوا قولا إدا ولهذا قال جمهورهم بأنهم كفار ضلال ليس لهم اجتهاد بل قولهم باطل وهم كفار بهذا الإنكار بهذا لإنكارهم أسماء الرب وصفاته نصر الله العافية. Donc Cheikh Ibn Baz il dit, tous les salafs, ils sont tous d'accord, tous les imams depuis l'époque des sahaba et après sont tous d'accord pour dire que les Jahmiyyah sont des égarés et tous ceux qui leur ressemblent également parmi ceux qui ont parlé à propos des attributs pour les nier, hein, et pour les vider de leur sens. Et c'est pour ça que les gens de la Sunna sont tous d'accord pour dire qu'ils sont dans l'égarement et qu'ils ont dit une parole grave. Et c'est pour ça que la majorité des savants de Ahl Sunna, parmi les imams, des salafs, ont dit que les Jahmiyyah sont des kuffars. C'est-à-dire qu'ils ne les considèrent même pas comme étant des musulmans. Certains parmi les ulama ont dit ils ne font pas partie des 73, ils ne font pas partie des 72 sectes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la Ummah va se diviser en 73 sectes, et que 72 sont en enfer et une seule au paradis. Certains ulama ont dit elle ne fait pas partie des 72 sectes qui vont en enfer. Elles sont en dehors, c'est-à-dire c'est des kuffars complètement, comme, ils ne font pas partie de cette Ummah. Il y en a d'autres qui ont dit oui, ils font partie quand même, mais ils ont dit que ceux qui font partie des 72 sectes, il y en a parmi eux qui sont koufars, et il y en a parmi eux qui sont des pécheurs ou des mubtadi'a, mais que leur degré de bid'a ou de kouf les font pas sortir de l'islam, et d'autres qui ont un degré de kouf qui les fait sortir de l'islam. Ça dépend des cas. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite, le cheikh? Il dit, يقول ابن القيم رحمه الله في النونية ولقد تقلد كفرهم ولقد تقلد كفر خمسون في عشر من العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. Ça c'est dans An-Nuniya. Ibn al-Qayyim il cite justement, il mentionne la parole qu'on a mentionnée du fait que eux ils disent que plus que 500, hein, wa alaykum salam wa rahmatullah, khamsuna fi ashrin, ça veut dire 50 fois 10, ça fait 500. Donc 500 parmi les ulama dans les différents pays ont dit que ce sont des kuffars, les jahmiyyah, ceux qui nient les attributs d'Allah et qui nient les noms d'Allah. Et l'Al-Lakai, Imam Al-Lakai, dans son livre Sharh Usul Intiqad Ahl Sunnah Wal Jama'a, il l'a cité de leur part, c'est-à-dire il a cité les propos de ces imams qui ont déclaré le kufr de ces gens-là. Et même avant Al-Lakai, l'imam Al-Tabarani il avait dit aussi. Il dit, فالمقصود أن أئمة الإسلام وجمهورهم يرى كفرهم وضلالهم وإن تسموا بالإسلام لأنهم كذبوا النصوص وأنكروا ما دلت عليه النصوص من أسماء الرب وصفاته نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est que les imams de l'islam, la majorité d'entre eux considèrent que ce sont des gens qui sont dans le kufr et qui sont dans l'égarement. Et même s'ils se disent être sur l'islam ou être musulmans, parce qu'ils ont renié les textes et ils ont renié ce qui est prouvé ou indiqué par ces textes par rapport au nom et aux attributs d'Allah. Hein, et on demande à Allah son pardon. Et il dit, on a posé la question au Cheikh Ibn Baz, سؤال وصف ابن خزيمة بالإمام الأئمة. C'est-à-dire, ici on voit que Ibn Taymiyyah appelle ou nomme, il parle de Ibn Khuzaymah, il qualifie de l'imam des imams. Imam al-A'imma. Donc qu'est-ce qu'il répond, Cheikh Ibn Baz? Il dit, Ajaba samahatuhu, ya'ni fi zamanihi. Ahsana ma yuhmal alayhi al-ma'na fi zamanihi. Li quwwatihi fi sunnah. والرد على أهل البدع رحمة الله عليه وهو مات سنة 310 يعني السنة التي مات السنة التي مات فيها ابن جرير رحمه الله وهم فهم أقران. Donc il dit que c'était l'imam de son un imam des imams à son époque. C'est la meilleure façon qu'on peut prendre cette signification là, à cause de sa force dans la sunna et de sa réfutation des gens de bid'ah, que Allah lui fasse miséricorde. Il est mort en l'an 310 et il y en a qui disent 311, des fois il y a une divergence d'une année. Et il dit, il est mort dans l'année dans laquelle Ibn Jarir al-Tabari est mort. Ibn Jarir al-Tabari, le grand savant de l'islam et le mufassir. Et l'imam Ibn Jarir al-Tabari, il n'était pas seulement savant dans le tafsir, il était savant dans le fiqh, dans le hadith et dans beaucoup d'autres sciences islamiques, même que il était, certains ulama ont dit, il a atteint le niveau de jtihad, c'était un mujtahid, donc il pouvait avoir son propre madhab aussi. Et c'est pour ça que tu le vois dans son tafsir du Coran, il fait le tarjih des différentes positions dans le tafsir, dans le fiqh, et dans différentes questions. Donc, c'est-à-dire qu'il a atteint un degré très très très élevé dans la science, et il faisait passer des grands imams de l'islam. Et il dit donc qu'ils étaient des gens de la même génération, Ibn Khuzayma et Ibn Jarir al-Tabari. Ensuite, au sujet de la parole, la parole de Abdurrahman ibn Mahdi, qui a été cité par Ibn Abi Hatim, il dit, Cheikh Ibn Baz, قال سماحة الشيخ والمعنى أن الجهمية في نفيهم الصفات يحاولون بذلك نفي وجود الله بالكلية وإنكار وجوده بالكلية وهذا غاية في الإلحاد والضلال والكفر فإنه إذا قيل إنه ليس بعليم ولا قدير ولا سميع ولا بصير ولا ولا ولا معناه النفي المحض نعوذ بالله ولهذا حكم عليهم جمهور أهل السنة والجماعة بالكفر والردة وأن الواجب استتابتهم فإن تابوا وإلا وجب قتلهم لإلحادهم وإنكارهم كما جاءت به الكتب السماوية وصرحت به السنة. Donc, Cheikh Ibn Baz, il dit que la signification, lorsque l'imam, il dit ici, l'imam Abdurrahman ibn Mahdi, il dit que Jahm, il dit, c'est comme s'il disait que Allah n'a pas parlé à Moussa et que Allah n'est pas dans les cieux, il n'y a rien dans les cieux et que Allah n'est pas sur son trône. L'imam Abdurrahman ibn Mahdi a dit ceux-là, je considère qu'il faut les appeler à se repentir, sinon ils doivent être exécutés par les autorités. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont renié tout ce que Allah a dit à propos de sa personne dans le Coran et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'Allah dans la Sunna. Le Cheikh Ibn Baz, il dit la signification de ça, c'est que les Jahmiyyah, quand ils nient les attributs d'Allah, en réalité ils essaient de nier l'existence même d'Allah au complet. En réalité, c'est des athées. Ils essaient même de nier l'existence d'Allah. Quand ils disent, par exemple, hein, ça c'est clair que c'est du kufr et c'est de l'égarement. Il dit, le cheikh, que si quelqu'un dit que Allah, il n'est pas savant, il n'est pas tout-puissant, il n'est pas audient, c'est-à-dire il n'entend pas tout, il ne voit pas tout, et ainsi de suite, celui qui dit ça, et qui nie ça de façon absolue, de cette façon, na'udzubillah, hein, il n'y a pas de doute que ça c'est une négation absolue. Et donc, les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, en majorité, ils ont tous dit que ces gens-là sont des gens de kufr, sont des gens qui sont dans le kufr et dans l'apostasie, la mécréance. Et qu'il est obligatoire qu'ils soient appelés à se repentir, c'est-à-dire de quitter ces idées-là et ces fausses croyances, et de revenir à l'affirmation des attributs. Et s'ils se repentent, dans ce cas-là, ils sont laissés, hein? Tandis que s'ils refusent de se repentir, eh bien, ils seront exécutés dans ce cas-là par les autorités à cause de leur athéisme et à cause de leur rejet et leur négation de ce qui a été rapporté dans le livre, dans le Coran et dans les autres livres précédents même, parce que même dans la Torah ou l'Injil, même celle qui est falsifiée par les Juifs et les chrétiens, il y a encore des traces de ces explications-là encore aujourd'hui. Donc ils nient pas seulement qu'est-ce qui est dans le Coran, ils nient même qu'est-ce qui est dans les livres précédents, et ils nient et qu'est-ce qui est clair dans la Sunna et qu'est-ce qui est explicite dans la Sunna au sujet des attributs et des noms d'Allah. Et le cheikh il dit ensuite وَلِهَذَا ضَحَّ خَالِدْ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقَصْرِ بِالْجَعْدِ ابْنُ دِرْهَمْ يَوْمَ الْعِيدِ يَوْمَ عِيدِ الْأَضْحَى فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ضَحُّوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم أمر بعدما نزل أمر بقتله أمام الناس فجزاه الله خيرا على هذا العمل الطيب. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخ من أخي قرباني درك لله درك من من أخي قربان قرباني. En tout cas, ça c'est dans An-Nuniyya. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Khalid ibn Abdullah al-Qasri, c'était l'amir de la ville. C'était lui le dirigeant de la ville à l'époque de Al-Ja'd ibn Dirham. Et on sait que Al-Ja'd ibn Dirham, c'est lui qui a été le précurseur, qui a appelé la première personne qui a appelé à nier les noms et les attributs d'Allah. C'était Al-Ja'd ibn Dirham. Puis ensuite, ça a été repris par la suite par Al-Jahm ibn Safwan. Ok? Mais Al-Ja'd ibn Safwan, Al-Ja'd ibn Dirham, il n'est pas aussi connu que Jahm ibn Safwan. Parce que Ja'd ibn Dirham, il a été exécuté très tôt. Mais c'est son élève qui l'a propagé cette idée. C'était Jahm ibn Safwan. C'est pour ça qu'on appelle la secte des Jahmiyyah, Al-Jahmiyyah, à cause de Jahm ibn Safwan, qui est venu après. Sinon, on aurait pu l'appeler Al-Ja'diyyah aussi, parce que c'est le vrai fondateur de cette bid'a, c'est Ja'd ibn Dirham. Donc, Khalid ibn Abdullah al-Qasri, il a attrapé Ja'd ibn Dirham. Et le jour de Eid al-Adha, il l'a sacrifié comme un mouton. Hein? Il a dit devant les gens le jour de Eid, ô vous les musulmans, parce que vous savez que dans l'islam, dans le passé, surtout à l'époque, celui qui faisait la khutba de Eid et qui dirigeait la salat, c'était le dirigeant. C'est lui qui faisait la khutba, c'est lui qui dirigeait la salat de Eid. Donc, quand il a fini sa khutba, il a dit, ô vous les gens, allez faire votre sacrifice de votre mouton et que Allah accepte votre sacrifice. Parce que moi aujourd'hui je vais sacrifier Ja'd ibn Dirham. Parce que lui il a prétendu que Allah n'a pas parlé à Ibrahim, qu'il n'a pas pris Ibrahim comme son Khalil et qu'il n'a pas parlé à Moussa. Alors il est descendu du Mimbar et il a ordonné qu'il soit exécuté devant tout le monde. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala le récompense de la meilleure récompense pour cette bonne action. Et c'est ça ce qu'il mentionne dans An-Nuniya, encore une fois, la parole de l'imam Ibn al-Qayyim à ce sujet-là. Donc c'est pour dire que à l'époque des salafs, eh bien, même les dirigeants défendaient la sunna et ils punissaient les gens de bid'a et les gens qui appelaient à l'égarement et à la mécréance ou à des idéologies ou à des croyances qui sont contraires à la foi. D'accord, donc les hérétiques, les gens qui appellent au kufr et au shirk et à toutes sortes d'égarements, les ulama étaient avec les dirigeants étaient avec les ulama et ils appliquaient sur eux la punition de l'islam à ce sujet-là, c'est-à-dire comme on a vu. Hein. Au sujet de la femme de Jahm ibn Safwan qui a dit Mahdoudun ala Mahdoud, Sheikh Ibn Baz, yarhamukallah, Sheikh Ibn Baz il dit خبيثة زوجة خبيث أخذت من زوجها الخبث قبحها الله. Donc la femme de Jahm ibn Safwan, quand elle a dit محدود على محدود, comme si quelque chose de limité sur quelque chose de limité, comme si elle essaie d'utiliser des arguments comme l'argument des philosophes pour essayer de nier que Allah est au-dessus de sa création et qu'il est sur son trône, hein? Comme il s'est décrit lui-même dans le Coran, الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. Hein? Ça c'est des choses claires dans le Coran. Donc le Cheikh Ibn Baz dit à propos de cette femme, il dit ça c'était l'épouse de Jahm ibn Safwan, c'était une femme mauvaise, épouse d'un homme mauvais, et elle a pris la saleté de son mari, hein? Que Allah la maudisse. Après il dit wa an Asim ibn Abdullah, an Asim ibn Abi Asim, an Asim علي ابن أبي أتمنى منك. reste 5 minutes. Je pense que le mieux c'est de s'arrêter ici, puis on pourra continuer au prochain cours, inshallah, à cette parole de selon عاصم ابن علي ابن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما. C'est-à-dire c'est عاصم ابن علي Ibn Asim, qui était le cheikh de l'imam Ahmad ibn Hanbal et de l'imam Al-Bukhari, et qui était de la même génération qu'eux. Il a dit قال نظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. Subhanallah. Ça c'est l'imam de c'est un cheikh. Yani c'est Asim ibn Ali ibn Asim, le cheikh de l'imam Ahmad et de l'imam al-Bukhari et de leur génération. Il dit, j'ai débattu avec un Jahmi, et il m'est paru clair de sa parole que c'est quelqu'un qui ne croit pas qu'il y a un Seigneur dans le ciel. Hein? Il m'est paru clair de sa parole qu'il ne croit pas qu'il y a un Dieu, un Seigneur dans le ciel. Là, ça fait la yu'minu anna fis sama'i rabban. Et juste pour dire, c'est qui Asim, l'imam Asim ibn Abi Asim. Son nom c'est Asim ibn Ali ibn Asim ibn Suhayb al-Wasiti Abu al-Hussein. قال عنه يحيى بن معين عاصم ابن علي ابن عاصم سيد المسلمين انتهى كلامه. وقال عنه الذهبي كان عاصم رحمه الله ممن ذب عن الدين في المحنة انتهى كلامه وكان يحدث في المسجد الرصافة في بغداد وكان يحضر مجلسه قريبا من 100,000 توفي سنة 21,200 Donc il dit que Yahya ibn Ma'in, un des grands imams des salafs, a dit à son sujet que c'était un des maîtres parmi les musulmans. Sayyidul Muslimin, un des meilleurs parmi les musulmans. Et Al-Dhahabi a dit qu'il était parmi ceux qui ont défendu la religion pendant l'épreuve, c'est-à-dire pendant la mihna. La mihna, lorsque les Mu'tazila ont ramené la mihna de Khalq al-Qur'an. Ils forçaient tous les ulama à dire le Coran est créé, des choses comme ça. Et l'imam Ahmed a été torturé à cette époque-là. Et donc, il faisait partie, lui, des ulama qui ont défendu la religion, qui ont défendu l'islam à cette époque-là. Et il faisait des cours dans la mosquée al-Risafa à Bagdad, et dans son dars, il y avait environ 100 000 personnes. Miat Alf. Et il est mort en l'an 221. Ça, c'est l'imam dont on parle. C'était le cheikh de Al-Bukhari et Muslim, et de la même génération que eux. Je pense qu'on va s'arrêter à cette citation-là pour aujourd'hui.